Le vrai, le faux. Depuis que je connais M. X, j'ai parfois l'impression que certaines de mes certitudes vacillent. Sous l'apparente réalité, il existerait donc une autre réalité plus tortueuse, la vraie réalité en somme. Celle du monde secret, des services de renseignement, des manœuvres clandestines, des coups bas, bref. Il existerait un monde de l'au-delà du miroir. Et chaque semaine, Monsieur X, comme Alice, nous y entraîne. Mais ce n'est certes pas pour y découvrir un pays des merveilles. Toutes ces pensées m'agitaient lorsque je suis venu à ce nouveau rendez-vous avec Monsieur X la semaine passée. Et avant de procéder à l'enregistrement que j'ai effectué avec lui, une interview consacrée aux secrets atomiques de l'après-guerre et à un homme qui a sans doute aidé les Soviétiques à écourter de 3 ans la mise au point de leur bomba, avant donc, nous avons longuement bavardé. Et justement, une affaire récente illustrait à la perfection la confusion qui existe entre notre monde et l'autre, celui des hommes de l'ombre. Peut-être avez-vous lu comme moi cette information dans votre journal. En Israël, un maître espion du Mossad, Yehuda Gil, a été arrêté à la fin de l'année dernière. Cet homme passait pour l'un des meilleurs connaisseurs des pays arabes et en particulier de la Syrie, où depuis de longues années, il était l'officier traitant d'une taupe, un général proche du président Hafez el-Assad. C'était aussi un instructeur des jeunes recrues du service de renseignement israélien. Il leur enseignait l'art du mensonge, tant en matière d'espionnage. Il est aussi important de tromper l'adversaire que de surprendre ses secrets. L'art du mensonge. Yehuda Gil était en effet un expert, car sa taupe, le fameux général syrien, n'existait pas. Gil inventait les informations ultra-secrètes que cet officier supérieur était censé lui livrer. Et cela a duré pendant des années sans que le Mossad ne soupçonne la supercherie. Cela paraît d'autant plus surprenant que cette supercherie a failli provoquer une nouvelle guerre entre Israël et la Syrie. En 1996, en effet, Yehuda Gil révèle que Damas masse des troupes à la frontière. Une attaque surprise sur le Golan est imminente. Il faut mobiliser Tsahal et anticiper la riposte, heureusement. Malgré l'avis de certains hauts dirigeants du Mossad, le ministre de la Défense garde son sang-froid. Et c'est le commencement de la fin pour Yehuda Gil, car bientôt, on découvre que les informations qu'il a fournies sont totalement fausses. A-t-il été intoxiqué? Sa taupe lui a-t-elle menti? L'agent est interrogé à plusieurs reprises et il finit par avouer. Il a tout inventé. Son informateur n'a jamais existé. D'après M. X, qui semble-t-il a eu quelques lumières sur ce dossier, cette affaire montre à l'évidence les limites de la confiance qu'on peut faire à un officier traitant. Celui-ci, m'a-t-il dit, est en quelque sorte un montreur de marionnettes. Il manipule ses créatures et peut, à tout moment, si l'une d'elles lui fait défaut, être tenté d'en inventer une nouvelle. C'est d'autant plus facile que, pour des raisons de sécurité, il est le seul à avoir le contact avec sa taupe, sa marionnette, si vous voulez. Coïncidence assez étonnante. Cette histoire d'un agent qui manipule un espion imaginaire est le sujet du dernier ouvrage de John le Carré, Le tailleur de Panama, un roman passionnant que je vous recommande. Mais revenons à cette nouvelle interview de M. X et à l'homme qui a pratiquement offert la bomba à Staline. Il s'appelait Klaus Fuchs. C'était un espion, mais aussi un éminent savant. M. X va nous en parler longuement dans un instant. Ce qu'il vous faut savoir auparavant, c'est que dès 1940, les Soviétiques apprennent que les Anglo-Saxons ont décidé d'étudier la fabrication d'une arme de forte puissance à base d'uranium-235. L'homme qui leur a fourni l'information s'appelle John Cairncross, un espion de légende puisque c'est lui le fameux cinquième homme du réseau Philby, Burgess, Maclean et Blount, ceux que l'on a appelé les cinq magnifiques de Cambridge. Un homme qui n'a été démasqué, je vous le rappelle, que ces dernières années. Staline comprend aussitôt l'importance de l'information. L'Union soviétique ne peut pas rester à l'écart d'une telle découverte. Il ne s'agit pas tant de la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle l'URSS est bientôt entraînée, que de l'inévitable concurrence qui l'opposera au monde occidental après la défaite du Troisième Reich. Or, en matière de recherche nucléaire, les savants soviétiques sont en retard. Il faut donc faire vite, très vite, pour pallier ces insuffisances et utiliser tous les moyens afin de percer les secrets de l'atome anglo-saxon. Le premier temps, on peut perdre son self-contrôle, rattraper le temps perdu, un battement immédiat avec la sauce. So music and I, so music and I, so music and I, so music and I. Maintenant passe au musical, la scène est l'heure du show, pour s'envoler c'est facile avec la sauce. Plus de maîtresse d'école, plus de voir, tout ça me nuit. Son musique est là. À mon seigneur, tout le monde debout. Le public est ultra chaud. Ça va bouillir, ça y est, ça boue. Ça va grimper crescendo. Maintenant, place au musical. Elle a sonné l'heure du show. Pour s'envoler, c'est facile avec la soul. Allez, maintenant, passe au musical. Elle a sonné l'heure du show. Pour s'envoler, c'est facile avec la soul. Soul music and I. Soul music and I. Soul music and I. Soul music and I. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Autant vous le dire tout de suite, ce dossier de l'espionnage atomique recèle encore beaucoup de mystères. Lesquels ? Bien, par exemple, on a découvert un certain nombre d'espions soviétiques qui ont contribué à aider l'URSS à construire sa propre bombe atomique. Fuchs est de cela, Fuchs, mais aussi les Rosenberg. Ah oui, parce que vous pensez que les époux Rosenberg étaient coupables ? Incontestablement. Ils ont pourtant toujours crié leur innocence. Exact, parce qu'ils étaient d'abord des militants fidèles, désintéressés que dans leur esprit, reconnaître qu'ils espionnaient au profit de l'URSS aurait créé un préjudice grave à la patrie du socialisme, comme on disait alors. Mmh. Bon, peut-être. Mais reprenons. Je vous disais donc qu'on avait identifié et arrêté un certain nombre d'espions, mais beaucoup sont passés à travers les mailles du filet. Pensez qu'on a estimé que près de 200 agents avaient participé à cette gigantesque opération d'espionnage. Et à votre avis, pourquoi autant de personnes n'ont-elles pas été démasquées ? Il y a au moins deux raisons. La première, c'est que les Anglo-Saxons, mais surtout les Américains, ont répugné à reconnaître à quel point ils avaient été infiltrés, surtout lorsqu'il s'agissait de savants de renommée internationale. Ça peut se comprendre. Mais la deuxième raison, alors ? Elle est beaucoup plus importante, et c'est encore un secret. Ah ben, racontez, je vous écoute. Je vous en prie, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Bon, d'accord, je commence à avoir l'habitude de vos méthodes, mais alors par où voulez-vous commencer ? Allons faire un petit tour à Moscou d'abord, si vous le voulez bien. Staline, très tôt, est averti qu'Anglais et Américains préparent quelque chose dans le domaine atomique. Une arme terrifiante, une super bombe. Et il y croit ? Par nature, Staline était plutôt sceptique. Mais s'il y avait une once de vérité dans cette information, les Soviétiques ne pouvaient pas laisser passer le coche. Vos expressions sont très rurales aujourd'hui. Que voulez-vous, je suis d'une autre génération. J'aime bien les mots d'autrefois. Enfin, passons. Staline, pour faire face à toute éventualité, décide de lancer le KGB sur la piste de l'atome. Et la centrale soviétique va appeler cela l'opération Enormous. Comment le savez-vous, ça ? Moi, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Encore un mystère. Comme vous voudrez. Alors, cette opération, comment vous dites, la Enormous, c'est ça, hein ? Ça va consister en quoi ? Eh bien, c'est là que nous allons rencontrer Fuchs, qui va être une des pièces maîtresses du dispositif. Bon, c'est peut-être le moment, là, de dire qui est ce Fuchs ? Klaus Fuchs, un drôle de zèbre, si vous me passez l'expression. Pourquoi un drôle de zèbre ? Pourquoi ? Parce qu'à bien des égards, ce type reste encore une énigme. Expliquez-moi ça. Ses origines, d'abord. Fuchs est le fils d'un pasteur allemand, un des premiers pasteurs à adhérer au Parti social-démocrate. Et ça, à l'époque, c'est-à-dire avant la guerre de 14, c'était plutôt étonnant. Ah, ça, c'est sûr. Mieux. Pendant la guerre, ce pasteur affiche clairement des opinions pacifistes. Et je vous assure que dans l'Allemagne prussienne, c'était mal vu, très mal vu même. Un original, en somme. Oui, oui. Et le jeune Fuchs, incontestablement, en a souffert. Parce qu'à l'école, il paraît qu'il se faisait régulièrement casser la figure par les fils des anciens combattants. Les anciens combattants de 14. Ouais. Et lui-même, que sait-on de, véritablement de ses opinions ? Très vite, il épouse la cause du socialisme. À Kiel, où son père s'est installé, vous savez comment on appelait la famille Fuchs ? Non, pas les renards rouges. C'est facile, ça, parce que Fuchs, en allemand, ça veut dire renard, hein, c'est ouais, ça ? Tout à fait. Ouais. Mais Klaus va aller plus loin que son père. Il va bientôt abandonner le Parti social-démocrate pour adhérer au KPD, le Parti communiste allemand. Et ça, à quelle époque ? À peu près au moment où Hitler arrive au pouvoir. Ça, c'est assez courageux de sa part. Hein. Oui, oui. Même si on sait aujourd'hui que la politique du Parti communiste téléguidée par Moscou va aboutir, paradoxalement, au succès d'Hitler et à une véritable et sanglante chasse aux rouges. Donc, Fuchs, comme les autres militants, doit passer à ce moment-là dans la clandestinité. Oui, mais rapidement, après l'arrestation de son père, il pense à l'exil. Et c'est ainsi qu'il débarque en Angleterre. On a parlé de ses opinions, mais pas de sa formation scientifique. Vous avez raison. Fuchs était un type brillant. Quand il est parti pour l'Angleterre, âgé seulement d'une vingtaine d'années, il était déjà titulaire d'un diplôme de physique et de mathématiques. Et en Angleterre, il continue ses études ? Oui, oui, il s'inscrit à l'université de Bristol, je crois. Je ne suis pas très sûr, mais enfin bon. Enfin là, en très peu de temps, il passe un doctorat en physique théorique. Et la politique ? Bizarre. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Eh bien, en demandant à bénéficier provisoirement d'un statut de réfugié, il se garde bien d'évoquer ses convictions politiques. Mais dans le même temps, à l'université, il ne se cache pas et professe clairement des idées pro-communistes. Oui, ça, effectivement, c'est bizarre, surtout pour un homme qu'on va accuser d'être un espion soviétique. Je croyais que pour un agent, hein, c'est vous qui me l'avez dit, ça. La règle était au contraire de faire croire qu'on était hostile au pays qu'on servait, en l'occurrence l'URSS. Bien sûr, mais je vous l'ai dit, rien n'est clair dans ce dossier. Et d'après vous, alors, est-ce qu'à l'époque, il avait déjà été contacté par les soviétiques ? Impossible à dire. Et vous avez une conviction ? Oui, enfin, je pense que Moscou avait repéré depuis longtemps ce jeune homme de talent. Et que les services soviétiques attendaient le bon moment pour prendre contact avec lui. Et le bon moment, c'est... Le jour où Fuchs serait à même d'avoir accès à des informations scientifiques de premier ordre. Et cela va arriver très vite, très très vite même. Yeah. She make him love her, then she shoot fly away. She got a black dress on for $1,000. She wail and she moan. Il semble en effet établi, comme le disait M. X il y a un instant, qu'en Angleterre, Klaus Fuchs ne dissimulait nullement ses convictions et sa sympathie pour l'Union soviétique. À Bristol, il participait même de façon fort active aux réunions d'une organisation de masse, comme disaient les communistes, la Société pour les relations culturelles avec l'Union soviétique. Au cours de ces réunions, on donnait parfois lecture des transcriptions des sinistres procès de Moscou. Et dans plusieurs ouvrages, j'ai trouvé le même témoignage du directeur de recherche de Fuchs, le futur prix Nobel, Sir Neville Mott. Le savant rapporte qu'il a été vivement impressionné par la passion avec laquelle son brillant élève jouait le rôle de Vyshinsky, l'implacable procureur de ses procès de Moscou. Il dit encore que Fuchs accusait les prévenus d'une voix froidement venimeuse. Et il ajoute, je le cite, « Je n'aurais jamais soupçonné cela chez un jeune homme si tranquille et si discret. » Cela démontre en tout cas que Fuchs ne se cachait pas, bien au contraire. Retrouvons Monsieur X pour la deuxième partie de l'entretien qu'il m'a accordé. Ce qui est certain, c'est que le parcours scientifique de Fuchs a été impeccable. Après Bristol, le jeune homme est allé travailler avec Max Born. Le grand physicien qui a été prix Nobel de physique, si je ne m'abuse. Lui-même, oui. Un homme qui a fait des découvertes essentielles, en particulier dans le domaine nucléaire. C'était d'ailleurs un réfugié allemand, lui aussi, comme Fuchs. Mais ce n'est pas ça qui les a rapprochés. Born, incontestablement, a été impressionné par les qualités scientifiques de Fuchs. Alors, si je reviens à vos précédentes affirmations, ça devrait être le bon moment pour le KGB d'approcher Fuchs. Oui, oui, mais il y a un hic de taille, la guerre. Fuchs a demandé la nationalité britannique. Mais au moment où éclate la guerre, il n'est pas encore naturalisé. Et en tant que réfugié allemand, il est suspect. On ne peut quand même pas, lui, le soupçonner d'avoir des sympathies nazies. Non, non, enfin, le règlement, c'est le règlement. Et Fuchs, comme des centaines d'autres réfugiés allemands, est déporté au Canada par mesure de sécurité. Il va y rester longtemps ? Plusieurs mois. Et il doit son rapatriement à son patron, Max Born, qui a fait des pieds et des mains pour l'obtenir. Il faut dire que le physicien, en dehors de la sympathie qu'il éprouvait pour Fuchs, avait une bonne raison pour le voir revenir au plus tôt. Quelle raison ? La bombe atomique. Dans les labos anglais, on y travaillait d'arrache-pied. Je ne vais pas vous faire un cours sur la bombe, d'ailleurs j'en serais bien incapable, mais je peux vous affirmer que l'idée est née au début des années 30, quand les physiciens qui travaillaient sur l'atome ont découvert l'énergie formidable qui s'y dissimulait. Seulement, la difficulté, c'était de trouver le moyen pour libérer cette énergie. Exactement, et les Anglais, mais aussi les Américains, étaient pressés, très pressés. Car ils pouvaient légitimement penser que l'Allemagne nazie poursuivait les mêmes recherches. Et la victoire, imaginait-il, appartiendrait au premier qui réussirait. Bien évidemment, en fait, on le sait maintenant, les recherches allemandes étaient beaucoup moins avancées que les Alliés ne le croyaient. Enfin, peu importe, en ce début des années 40, il y avait réellement urgence. Donc Fuchs est associé à ces travaux ultra-secrets. Oui. Et on ne s'interroge pas sur son passé communiste? À vrai dire, si. Le contre-espionnage, le fameux MI5, donne l'alerte. Attention, ce type est un communiste, mais on ne l'écoute pas. Car en haut lieu, on estime qu'on ne peut pas se passer des services d'un savant aussi éminent. C'est ainsi que Fuchs va pouvoir pénétrer tous les secrets de Tube Alloys. Quoi ? Tube Alloys, autrement dit alliage de tubes. C'est le nom de code qu'on a donné en Grande-Bretagne au comité secret chargé d'analyser et de coordonner les recherches sur la bombe atomique. Et dès ce moment, donc Fuchs va devenir un espion soviétique. Oui, oui. Plus tard, Fuchs prétendra qu'il a pris lui-même l'initiative de prendre contact avec les soviétiques. Mais pourquoi ? Pour se donner le beau rôle, pour justifier sa trahison en disant qu'il a agi par idéalisme. En fait, moi, je suis persuadé que ce sont les soviétiques qui ont pris l'initiative. Et c'est vrai qu'ils n'ont eu aucun mal à convaincre Fuchs. Parce qu'il était toujours communiste au fond de lui-même. Bien sûr. Son devoir était donc d'aider sa vraie patrie, la patrie du socialisme, à construire une bombe A. Car déjà, je vous l'ai dit, Staline pensait à l'après-guerre. Tout le monde y pensait. Hein. Je me souviens que vous m'avez raconté que dès 1943, les Américains avaient commencé à préparer la chasse au cerveau nazi. C'est juste. Et pour revenir à Fuchs, la chance va sourire aux soviétiques. Car le savant est non seulement étroitement associé aux recherches anglaises, mais en 1943, on lui demande de partir aux États-Unis pour une mission encore plus secrète. Le projet Manhattan. Et là, ce projet Manhattan, je connais, c'est celui qui va aboutir à la construction de la première bombe. Oui, oui, oui, vous en conviendrez, les soviétiques ne pouvaient pas espérer mieux. D'autant que Fuchs va maintenant travailler avec le gratin de la physique mondiale. Je crois me souvenir que les Américains avaient réuni à Los Alamos pas moins de 12 prix Nobel. Donc là-bas, Fuchs va travailler directement sur la bombe. Oui, oui, puisque c'est à Los Alamos qu'on a assemblé la première bombe A, celle qui explosera en juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique. Et Fuchs va ainsi avoir accès aux documents les plus secrets. Oui, mais avoir accès, c'est bien beau, mais comment transmettre ces secrets, hein? Bah, écoutez, de la façon la plus classique qui soit, il avait de temps en temps rendez-vous avec un certain Harry Gold, un chimiste qui était un homme du KGB. Le KGB qui, entre parenthèses, s'appelait encore le NKVD, mais enfin, peu importe. Une chose m'étonne quand même, les installations, mais aussi les hommes qui travaillaient à Los Alamos devaient être étroitement surveillés. C'est exact, c'est pourquoi Fuchs ne voyait Gold que lors des courtes vacances qu'on lui accordait de temps en temps, c'est-à-dire à l'extérieur du centre d'expérimentation, le plus souvent à New York. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit que Fuchs était loin d'être le seul espion soviétique qui s'intéressait à l'atome. Effectivement, mais ces espions ne se connaissaient pas les uns les autres. Enfin, je veux dire qu'ils se côtoyaient dans les labos, mais sans savoir qui était ou n'était pas un espion, vous comprenez ? Ouais, cloisonnement. C'est ça. Et les Américains, à cette époque-là, n'ont eu aucun soupçon ? Si, mais c'était un soupçon embarrassant, particulièrement embarrassant. Si la raison me rappelle Une précision importante avant de reprendre la diffusion de mon interview de Monsieur X. À Los Alamos, là où travaillait dans le plus grand secret la crème des physiciens du monde occidental, dont ses 12 lauréats du prix Nobel, les scientifiques anglais, parmi eux Klaus Fuchs, qui avait été enfin naturalisé, avaient une meilleure vue d'ensemble que leurs collègues américains. En effet, il semble que les scientifiques britanniques pouvaient, eux, accéder à toutes les divisions du projet Manhattan qui étaient très compartimentées. Selon un ouvrage écrit après la guerre par un officier de sécurité de Los Alamos, les Anglais avaient en substance une connaissance complète de la chaîne du montage du canon et du circuit de désintégration des matières fissiles, de la configuration des bombes et des développements possibles ultérieurement, y compris la bombe H. Mais cet officier estimait toutefois qu'il connaissait seulement un minimum d'éléments technologiques. En tout cas, Fuchs, lui, a incontestablement pu transmettre aux soviétiques des éléments de documentation de premier plan sur la bombe. Mais revenons à M. X qui me disait que les Américains avaient découvert une information très embarrassante. Le patron à Los Alamos, c'était, vous devez le savoir, le professeur Oppenheimer. Oppenheimer, un homme aux idées plutôt progressistes, n'est-ce pas? Et qui avait même eu des sympathies pour le communisme dans sa jeunesse. Aussi, hein. Aux États-Unis, ça c'est rédhibitoire. Et pourtant, malgré l'avis de la sécurité militaire, Oppenheimer avait été nommé directeur de Los Alamos. Alors pourquoi? Pour quelle raison? Bah, c'est comme pour Fuchs, parce qu'on avait besoin de lui, parce que des types de ce calibre, il n'y avait pas beaucoup dans le monde. D'accord, j'ai compris. Donc, on le nomme à la tête de Los Alamos, mais on le tient quand même à l'œil. Voilà. Et on surveille très étroitement son entourage. Ouais. Et dès qu'il y a des rumeurs de fuite, c'est lui qu'on soupçonne en exactement, premier. Exactement. Oui. Mais avouez que c'est extrêmement embarrassant parce que Oppenheimer est quand même le patron du projet Manhattan. Alors on l'interroge? Oui, avec des pincettes. Et Oppenheimer finit par reconnaître, oui, des membres de mon équipe ont été approchés par les soviétiques. C'est une sorte d'aveu, ça? Ah, pas du tout. Oppenheimer ne dit pas « ils ont trahi », il dit « ils ont été approchés ». C'est quand même très différent, non? Et vous, qu'en pensez-vous? Je vous l'ai dit, à part Fuchs, il existait d'autres collaborateurs des soviétiques à Los Alamos. Surtout un savant d'une très grande notoriété. Oppenheimer lui-même? Non. Non, bien qu'il ait été mis sur la sellette plus tard par cet ivrogne de McCarthy. Non, l'autre, c'était un grand physicien américain. On l'a identifié? Oui. Et on l'a arrêté? Non. Ah, pour quelle raison? Parce qu'il s'agissait avant tout de protéger un formidable secret. Mais la construction de la bombe aussi était un formidable secret. D'accord, mais un secret terriblement volatile. Quand les Américains ont réellement réalisé qu'ils avaient été espionnés tout au long du processus d'élaboration de la première bombe A, il était trop tard. Moscou avait déjà reçu la plupart des informations qui lui étaient donc nécessaires pour rattraper son retard en matière atomique. Je vous rappelle que c'est dès 1949 que les Russes feront exploser à leur tour leur première bombe. Et le monde entier a été étonné à ce moment-là. Le monde entier peut-être, mais pas les services secrets anglo-saxons. Après avoir mis en évidence le pillage systématique effectué par les soviétiques, cette opération énormose dont je vous parlais tout à l'heure, ils s'attendaient à ce qu'un jour ou l'autre, Moscou réussisse. C'était inévitable. Alors, ce secret, cet autre secret qu'il fallait protéger à tout prix, eh bien, il portait le nom étrange et sulfureux de Venona. Venona. Oui, on dirait un nom de poison ou de plante vénéneuse. En fait, je vais vous faire une confidence. Je ne sais pas où les Américains ont été chercher ce nom bizarre. Oh, et puis ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Oui, vous avez raison. Alors, Venona, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, depuis longtemps déjà, les services américains avaient capté des messages envoyés par les espions soviétiques à leur centrale. Mais ils étaient incapables de les déchiffrer. Parce qu'ils étaient codés, naturellement. Naturellement, oui. Et il était impossible de casser ce code. Or, dans les années qui ont suivi la fin de la guerre, il s'est produit une conjonction tout à fait intéressante. Expliquez-moi ça. Eh bien, il y a d'abord eu la défection d'un agent du KGB. Ensuite, il y a eu le recrutement d'un brillant analyste par les services secrets américains. Un type génial dans son domaine. Si génial qu'en se servant des renseignements fournis par le transfuge, il a enfin réussi à casser le code des soviétiques. Et Venona, c'est ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de ce moment-là, les Américains ont pu déchiffrer les messages envoyés par les agents soviétiques. Mais ils ont aussi pu lire à livre ouvert tous les télégrammes non déchiffrés qu'ils avaient précieusement gardés dans leurs archives. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte à quel point leurs secrets atomiques avaient été percés. Mais l'opération est normose. Seulement, dans toute affaire de ce genre, il y a un risque. Si vous vous servez des informations que vous avez découvertes, vous alertez l'adversaire et la source se tarit. Oui, parce qu'il va changer sa méthode de chiffrage. Évidemment, c'est un vrai dilemme. Souvenez-vous de l'histoire d'Enigma. Ah, la machine automatique à coder des Allemands. Oui, oui. Les Alliés avaient percé son secret. Mais pour laisser les nazis dans l'ignorance, ils ont quand même consenti d'énormes sacrifices en vies humaines. Le bombardement de Coventry, par exemple. Vous avez une bonne mémoire. Donc si j'ai bien compris, puisque les Américains n'ont pas arrêté ce savant, ce grand savant de Los Alamos qui les avait trahis, ils ont choisi de protéger avant tout le secret de Venona. Oui. Mais Fuchs, lui, il a pourtant été démasqué, arrêté, si mes souvenirs sont exacts. Tout à fait. À cause de Venona. Incontestablement. Alors là, je ne vous suis plus très bien. Là. Vous m'avez dit que les Américains voulaient avant tout protéger Venona. C'est juste, mais les Anglais, eux, ne supportaient pas de savoir qu'un savant atomiste inféodé aux Soviétiques travaillait chez eux. Parce qu'il était retourné, Fuchs était retourné en Angleterre. Oui, en 1946, il a été engagé au centre de Harwell, où les Britanniques préparaient dans le plus grand secret et à l'insu des Américains la fabrication de leur propre bombe. Alors quand la CIA a révélé aux Anglais que Fuchs était un espion, ils ont exigé de pouvoir l'arrêter. Mais c'était quand même risqué de dévoiler Venona. C'est juste. Alors les services britanniques, qui tenaient impérativement à neutraliser Fuchs, ont imaginé un stratagème. Le savant ne serait pas démasqué, il se rendrait lui-même. Pas très crédible. C'est pourtant comme ça qu'on a présenté les choses. Fuchs, a-t-on prétendu, ne supportait plus sa double vie. Et il a craqué. Mais bon, les soviétiques ont été dupes de la manœuvre. Absolument pas. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'entre-temps, Moscou avait découvert Venona. Comment ? Grâce à un certain Philby. L'espion de Cambridge. Oui, encore lui. Mais on en reparlera plus longuement un jour, si ça vous intéresse. Ce qu'il vous faut savoir, en tout cas, c'est que Kim Philby, dans les années d'après-guerre, était une sorte d'agent de liaison entre les services secrets américains et anglais. Et c'est ainsi qu'il a eu connaissance de Venona. Et qu'il a immédiatement alerté Moscou. Oui, à partir de ce moment-là, Venona était mort. Mais les Américains ne le savaient pas. Et c'est pourquoi, afin de protéger un secret qui n'en était plus un, ils ont laissé courir un grand nombre d'agents de Moscou. Après avoir enregistré cet entretien avec Monsieur X, j'ai consulté un certain nombre d'ouvrages faisant autorité dans le domaine de l'espionnage. Eh bien, la thèse de Monsieur X colle avec ce que nous savons. Il semble en effet que les Américains n'ont pas inquiété le deuxième grand espion de Los Alamos, un savant qui aurait été le physicien américain Theodore Aveline Hall. D'autre part, la nature des aveux de Fuchs semble étrange et sans l'arrangement, le faux. En effet, Fuchs a déclaré, je le cite, « J'ai utilisé la dialectique marxiste pour établir deux compartiments distincts dans mon esprit. Dans l'un, je m'autorisais des amitiés, des relations personnelles. Je pouvais me sentir libre et heureux avec les autres sans craindre d'être découvert car je savais que l'autre compartiment prendrait le relais si je m'aventurais en eau profonde. Bizarre. Encore plus bizarre. Le fait que Fuchs a aussi déclaré qu'il s'était rendu parce qu'il commençait à avoir des doutes sur la sagesse de la politique soviétique. Or, dès sa libération, après avoir purgé 9 ans de prison, Fuchs n'a eu rien de plus pressé que de rejoindre l'Allemagne de l'Est, où il a poursuivi ses travaux et a été décoré à plusieurs reprises. Je vous retrouve samedi prochain sur France Inter avec Monsieur X.